Laisse-moi croire que la musique réunit les hommes et qu'elle n'est pas faite pour ceux qui veulent réunir des sommes. Imagine un peu, noir de monde, les sourires aux lèvres, avec ça l'espoir se fonde. La joie abonde quand la guitare a son mot à dire, quand la douceur de deux voix se marie sur une prise. Please laissez-moi, j'ai pas la tête à ça. Ce soir j'ai décidé de laisser les soucis au fond du sac. Laisse-moi croire que les pros ont la beauté d'une rose et que le fond sonore avec de l'amour nous arrose. La porte est close à ceux qui refusent d'y croire. La richesse du son a marqué l'histoire. Vous voir chanter en cœur est mon obsession, que ce soit dans celle-ci ou bien dans les autres sessions. Je donne de l'amour dans ce que je fais, toujours raisonner sur ce que je sais. Laisse-nous croire. Dans tes mains, j'ai besoin de ta force, alors tape dans tes mains. Sur le terrain, je suis parti bâtir le mur de mon destin. Pour pouvoir m'en sortir, j'ai suivi mon chemin. Vécu des aventures, non je ne regrette rien. Malgré les coups durs, je me dis que demain sera un jour plus sûr pour que mes rêves de gamin prennent une autre tournure. Laisse-nous croire que le soleil éclaircit nos voies et que les nuages sont chassés par la force de notre joie. Que l'ambition porte ses fruits, je suis venu imposer le silence tout en faisant du bruit. Mon besoin d'évasion est grand, voilà pourquoi j'ai toujours un morceau caché entre les dents. Voilà pourquoi je parle de love, mon cœur a séquestré la seule qui se balade sur le bout de mes lèvres. Laisse-nous croire. Prenne les devants pour me guider vers ma voie, sans négliger le besoin de l'amour des gens pour parcourir mon chemin. Laisse-moi croire que j'atteindrai la hauteur que prennent mes ambitions, j'y arriverai. Laisse-moi croire que j'y arriverai. Non. Laisse-nous croire qu'on y arrivera. Yeah. Laisse parler la musique, laisse. Yeah. Tu sais, quand deux voix se marient sur le son d'une guitare, personne ne peut s'y opposer. Alors laisse parler la musique, laisse. Yeah. Track. Essence musique. Révolution interne.